Chapitre 1. Point de vue. Lecteur, sous les yeux de qui l'œuvre tahitienne de Paul Gauguin passa peut-être inaperçue, tant qu'on a peu de temps, à Paris et ailleurs, pour penser à soi, à son propre développement, à ses plus profitables plaisirs. Elle est là, je t'y ramène. Le point de vue est en elle, des songeries que voici. Dans ses toiles gonflées, encore des souffles lointains, qui nous les apportèrent, vivante d'une vie à la fois élémentaire et fastueuse, c'est la sérénité de l'atmosphère qui donne à la vision sa profondeur. C'est la simplification des lignes qui projette les formes dans l'infini. C'est du mystère que l'intarissable lumière, en le désignant, irradie, révélant une race. Si distante de la nôtre qu'elle te semble, dans le genre humain, une espèce différente de toute, à part, exceptionnelle. Dans la nature éternellement, en fait, qui lui fait un cadre de luxuriance, avec le frisson glorieux de ses grandeurs anciennes, avec les marques fatales de sa présente agonie, avec sa religion recherchée dans ses origines et poursuivie jusque dans les conséquences qui l'amènent à l'orée du christianisme, une race, dite par un esprit, le mieux fait, ou l'unique pour la comprendre et pour l'aimer, par les procédés artistiques, les plus voisins de ce luxe extraordinaire en sa simplicité, luxe animal et végétal, où le prodige de l'éclat n'égale que le prodige de l'ombre installé au fond de cet éclat même. Voici par exemple des formes féminines, nues, dorées, bronzées, de coloration à la fois sombres et ardentes. Le soleil les a brûlées, mais il les a pénétrées aussi. Il les habite, il rayonne d'elles, et ces formes de ténèbres recèlent la plus intense des chaleurs lumineuses. À cette clarté, l'âme d'abord te semble transparente de créature, prompte au rire, au plaisir, hardie, agile, vigoureuse, amoureuse, comme autour d'elle les grandes fleurs aux enlacements audacieux. De ces filles indolentes et turbulentes, aimantes et légères, entêtées et changeantes, gaies le matin et tout le jour, attristées, tremblantes dès la fin du soir et toute la nuit. Or la lumière éblouit comme elle éclaire. Le soleil dévoile tous les secrets, excepté les siens. Ces obscurs foyers vivants de rayons, les Maoris, sous des dehors de franchise, d'évidence, gardent peut-être aussi dans leurs âmes des secrets, déjà entre la majesté architecturale de leur beauté et la grâce puérile de leurs gestes, de leurs allures un écart averti, voit plus loin. Petit 1. En effet, la Maori a tôt oublié les terreurs de la nuit pour la volupté d'être dans la fraîcheur brillante du matin, et d'aller et de s'ébattre, insoucieuse, libre dans la caresse de l'air, de l'herbe, du bain. Sa vie s'éveille avec la belle humeur de la terre et du soleil. Le plaisir est la grande affaire, et l'amour n'est que plaisir. Puis elle danse, elle se couronne de fleurs, elle chante, elle rit, elle joue, et puis elle aime encore à l'ombre des pandanus, et puis elle rit encore, et tout n'est que plaisir. Et la mer est là, dont elle préfère le blanc rivage au fourré de la forêt. La mer jolie avec ses récifs de coraux, la mer vivante avec sa voix infinie qui accompagne sourdement l'hyménée. Ce mot, mais ainsi orthographié, appartient à la langue maori et signifie « chant de joie ». La mer reposante qui baise de ses brises les brûlures de l'amour et du soleil. Et l'amour n'est que plaisir, et tout n'est que plaisir, même le travail. L'occasion d'une promenade en mer ou sur la montagne, la gloriole de montrer sa force ou son adresse, la douceur d'obliger un ami, le travail, plaisir des hommes, qu'il partage avec les femmes et dont la nature a d'avance fait les frais. Et la sagesse encore est un jeu. Le plaisir des vieillards, aux veillées ou à la peur aussi amuse, tant du moins que le soleil n'a pas quitté l'horizon, et qu'on est à plusieurs, par des récits fantastiques, préludes aux prochains cauchemars, et qui relèvent d'un peu de religieuse horreur le délice accompli du jour, bien que déjà, durant la sieste, l'aile noire des Tupapahuis, incubes et succubes, esprits des morts, génies errants. Les U et les U, tréma, dans les mots de la montagne maori, se prononcent U, est effleuré le front des dormeuses. Près de la case en bois de Burao, à distance du rivage que la matinée tropicale maintenant embrase, la forêt commence et de l'ombre fraîche tombe des premiers manguiers. Des hommes, des femmes, tannés, vaïnés, sont là, groupés, épars, debout et affairés, assises ou couchées, et déjà reposant. On boit, on bavarde, on rit. Au loin la mer, égayée de barques indolemment vite, que des jeunes gens dirigent, tantôt à la rame, tantôt par de simples déplacements du corps, et leurs paréos, ceintures, uniques vêtements, bleus et blancs, et leurs poitrines cuivrées, et le jaune rouge du bois des barques, font avec l'azur du ciel et le vert et l'orange des flots une harmonie large et gaie, que rythme l'éclair blanc des dents aux fréquents éclats de rire et la frange blanche de la mousse des vagues. Sur le bord, malgré la chaleur, deux sœurs, qui viennent de se baigner, s'attardent en de gracieuses attitudes animales de repos et parlent amour d'hier, de demain. Une querelle, un souvenir. Et quoi, tu es jalouse ? Au fond de l'anse, un jeune tanné, admirable dans l'équilibre de sa force et la justesse de ses proportions, tranche à coups de hache un tronc d'arbre. Sur une barque disposant les éléments d'une brève traversée et se penchant à genoux, le dos horizontal, les bras étendus, sa vaine nue jusqu'aux hanches, les seins pendants, lourds et fermes et frémissants, garde en dépit de la posture une incontestable élégance. Là-bas, vers l'intérieur, dans la maison maori, ouverte, une femme, assise sur ses jambes, devant la porte, le coude au genou, les lèvres enflées de colère, seule au moins depuis 5 minutes, au moins pour 5 minutes encore, boude sans que nul ni elle-même sache pourquoi, peut-être pour le plaisir. L'heure de la sieste a passé, l'heure d'incendie, l'heure morte. Le crépuscule vite tombe, et de partout sourd une agitation d'immenses volières, dans les demi-ténèbres que la lune cisèle. On va chanter, on va danser. Les hommes s'accroupissent au pied des arbres. Les femmes, dans l'espace libre, comme des vêtues de blanc, remuent en cadence leurs jambes solides, leurs fortes épaules, leurs hanches et leurs seins. Et les dernières lueurs du jour et les premières lueurs de la lune les poursuivent. La voix des hommes orchestre de ce ballet est monotone, grave, presque triste. Ils se mêlent des frémissements de peur aux trémoussements des femmes et à leurs mimiques invitant l'amour, qui va venir avec la nuit tragique où le démon des morts veille et rôde, et tout à l'heure se dressera, les lèvres blêmes et les yeux phosphorescents, près de la couche où les fillettes tonubiles ne dorment point paisibles, parce que les défunts reviennent, défunts amants ou défunts dieux. 2. Noa noa odorant. La majesté silencieuse de la forêt accueille le pèlerin en route vers la Roraï, la montagne qui touche le ciel. Nulle vie animale, point d'envol et de chant, et rien qui bondisse et rien qui rampe, mais quelles harmonies dans les parfums qui grisent l'artiste voyageur. Que de beaux fruits dans l'éclat polychrome des feuilles, des fruits, des fleurs. Ses yeux, où demeure l'éblouissement des splendeurs humaines, contemplés à nuit, à journée pleine, ses yeux, repus de sensualité, si chaste d'être si naïve, évoquent parmi ce triomphe végétal la femme, qui serait l'âme de la forêt, l'Ève dorée, aux membres robustes et souples, aux jambes lisses, fortes, rondes, comme ces lianes, des cheveux drus comme la mousse, des lèvres où fleurit la sève de l'églantier, deux fruits mûrs sur la poitrine, l'Ève dorée, reine, enfant et déesse sauvage, sous le dais somptueux des frondaisons, sur le tapis des herbes, des feuilles amoncelées. Dans l'extase de cette vision, à pas lents, il traverse les clairières rares, les hauts fossés, les ruisseaux, gravit les pentes roides, cédant des mains, heureux de l'effort, aux parois de rochers, aux branches d'arbres, jusqu'à ce qu'un glissement furtif sollicite non pas sa crainte vers l'anfractuosité profonde où luit le blanc ruban d'une source au-delà d'un bouquet, bas et large, vers la grotte fraîche, où bruit doucement la source papémoée, la source mystérieuse, et c'est soudaine la présence réelle. Un jeune être penché, perché sur d'imperceptibles degrés taillés par le temps dans le mur stratifié de la montagne, que la forêt habille de pourpre. Un bel être nu boit dans sa main, à la source mystérieuse, à la source sauvage comme lui. Et l'artiste frémit dans son âme devant cette apparition qui lui révèle la vie secrète, le secret vivant de la forêt, de la montagne, de l'île. Mais la jeune fille avertit par la complicité fraternelle autour d'elle des choses qui lui dénoncent le témoin, se détourne, voit et d'un essor léger s'efface sur le rideau des feuilles et des ramures qui s'entrouvent à sa fuite et se referme silencieusement, impénétrablement. La source mystérieuse continue sa plainte, pure comme une voix de femme. Parmi les senteurs vives dont elle est chargée d'air, s'exhale et domine, enivrant l'esprit même, l'esprit parfumé de l'île heureuse, Noa, Noa. 3. Matamua. Il fut un temps, il fut très jadis un temps de gloire nationale et de féodalité, d'importance sociale, de richesse publique et privée. Il fut dans la nuit ancienne un temps de dieux et de héros. Matamua. Alors la race autochtone régnait sur les îles et les eaux, réjouie d'adorer les Atuas, les grands dieux. Universel, et Taora, leur père, était Fatou, le roi de la terre, et Ina, déesse de la lune. Alors les prêtres sanglants prélevaient sur la vie généreuse la dîme essentielle du sacrifice. Alors les femmes étaient honorées, plus d'une ayant été choisie pour le baiser divin. Et maintes traditions attestaient que les mères de la race lui avaient mérité, au prix d'elles-mêmes et de rituels, massacres dans le temple ouvert au sommet de l'île, l'origine céleste, au prix de massacres rituels qui ne devaient, à travers les âges, point cesser, afin que ne cessât point la race. Mais les âges s'écoulèrent, et un jour l'homme blanc apparut, l'ennemi des dieux. Il interdit les sacrifices, et bientôt l'on vit la race forte dégénérer, s'étioler. Et bientôt elle ne sera plus. À ces derniers survivants, les missionnaires chrétiens s'efforcent de faire une âme et une chair chrétienne. Et les marchands leur enseignent le travail forcé, lucratif, le négoce. Et les magistrats leur récitent le code de Napoléon. Et les arbitres de l'élégance leur montrent à porter des faux cols, des gants, des habits, des corsets, des robes. Les Maoris écoutent, subissent les nouveaux maîtres et semblent leur obéir. Mais dans ses yeux résignés persiste invincible le rêve vers Matamua. Et chaque jour, par nombreuses théories nostalgiques, les Maoris s'en vont là-bas, où sont les aïeux, dans la main des ténèbres des dieux reniés, des dieux qui se contentaient jadis de quelques gouttes de sang, et qui prendront tous maintenant qu'on leur refuse tout, car la race entière périra pour avoir transgressé le serment des mères. Non, les missionnaires n'ont pas conquis au Christ l'âme Maori. Ils n'ont seulement cet âme amolie et troublée, et chez les femmes, leur influence plus active que sur les hommes a eu le singulier effet d'exalter, aux dépens du rude et bon roi de la terre, leur culte pour la divinité féminine, Ina, la lune, la déesse du mensonge et de la pitié. C'est à Ina que le plus volontiers, elles font les honneurs du passé, en défaite au clair de la lune, célébrée par les baisers, les chants et les danses, et cette légende. Ina disait à Tefatu, « Faites revivre l'homme quand il sera mort. » Le dieu de la terre répondit à la déesse de la lune, « Non, je ne le ferai point revivre. L'homme mourra, la végétation mourra, ainsi que ceux qui s'en nourrissent. La terre mourra, la terre finira, elle finira pour ne plus renaître. » Ina répondit, « Faites comme il vous plaira, moi je ferai revivre la lune. » Et que ce que possédait Ina continua d'être. Ce que possédait Tefatu périt, et l'homme dut mourir. Ce goût de la pitié qui n'était pas dangereux, tant qu'il s'équilibrait par la pratique auguste du sacrifice, où les hommes apprenaient à savourer l'extase de l'héroïsme, elles-mêmes les femmes sentent ce qu'il a, solitaire, de mortellement équivoque. Mais rien de plus ne leur reste de Matamua, et elles se repaissent de ce vestige. Rien de plus, et leur beauté, et leur âme inaltérable. La jeunesse éternelle des éléments s'affirme, avec les caractères de leurs diverses essences, plus nécessairement en la Maori qu'en toute autre femme. La légèreté versatile de l'air est dans sa pensée, dans ses sentiments, dans sa parole. La profondeur agitée de l'eau est dans son regard. Ses pieds solides tiennent à la terre aussi fortement que les racines des arbres. Le feu solaire flamble dans ses sens. Il en résulte un être singulier, puéril et majestueux, sculptural en ses rares instants d'immobilité, aux yeux très candides et très aigus, avec un charme unique, indéfinissable, peut-être impénétrable, et que les voyageurs s'accordent à désigner, renonçant à le définir, le charme maori. Je vois l'artiste devant cet être, s'efforçant de lui dérober ses secrets. Je le vois contemplant cet enfant énigmatique, et pourtant nu dans son âme comme dans son corps, malgré non pas aucune ruse, mais l'extrême mobilité de sa fantaisie, qui précipite et brouille perpétuellement le kaléidoscope de ses pensées, unité nuancée d'une succession de contradictoires caprices, qu'on croirait simultané, tant des uns aux autres le passage est rapide. Je le vois poursuivant sa passionnante chasse au mystère et faisant parler le silence. Il sent peser sur cette jeune vivante l'ombre du vieux passé. Il cherche dans ce visage, où la chaleur du sang permet à peine aux souvenirs personnels de s'inscrire, les traces de cet insondable passé, que la fécondité de la terre n'a pas permis aux aïeux de Tehura de fixer sur le sol par de durables monuments. car les végétaux ont lentement et sûrement repris à la pierre, dont le domaine est dans la nuit de la terre, la surface du sol qui leur appartient. Il convient d'ajouter que l'expansion coloniale de l'Occident civilisateur a vivement achevé l'œuvre des végétaux. La Maori se laisse posséder, elle ne se livre pas. Toujours au bord du dernier mot, elle se tait. Au bord du seul mot qui eût tout dit, et son incompréhensible sourire intervient avec le silence, réservant l'intime vérité hors des prises humaines. Et la certitude ne sera jamais, non plus la lassitude. Avec le sourire, voici que tout l'être s'est renouvelé, sollicitant à de nouvelles études, gaiement la curiosité jamais émoussée. Peu à peu, dans les recherches de l'artiste, le type d'une Ève dernière s'informe, physique et comme végétale, le robuste jaillissement d'un jeune arbre dans l'aboutissement épuisé d'une hérédité longue, avec la consécration de l'antiquité fabuleuse qui fait le fond de ses regrets et de son orgueil, avec le sceau de ce vieux, de cet insondable passé, où rêvent ses instincts, ses plaisirs, ses terreurs. Elle a dans jadis son Orient, et rien ne naîtra d'elle, idole et prêtresse d'un culte défunt. 4. Parai Te Marae. Là réside le temple. Car le temple, lieu ouvert et le sommet de la montagne, que touchent les pieds des dieux, est lui-même invivant. Ici, lui seul, à son contact, meurt la nature, de terreur ou d'amour, et les cimes des grands arbres s'inclinent au seuil de l'enceinte aride. Lieu de grandeur et d'horreur, nudité des rites mortuaires. Là coula le sang humain, et des têtes de mort, témoignage sculpté sur la barrière, qui cerne le temple précise. Vu de ce sommet, la vie en bas dans les jardins du rivage, si gaie tout le jour, n'apparaît plus vraie qu'en ces heures nocturnes, alors que les rieurs de midi se taisent et frissonnent. Est-ce du temple qu'ils descendent avec la nuit, les tapapaos, les esprits malfaisants, et qu'ils s'en vont, quand les épouvantements de l'ombre les raniment, chuchoter d'étranges paroles aux oreilles des jeunes filles? Est-ce l'héréditaire effroi des cimes sacrées? Est-ce la mort des dieux eux-mêmes qui marque de tant d'âpres tristesses le lieu où fut leur temple? Qui sait? Mais là règne la mort, et de là elle rayonne sur l'île. Est-ce le remords des meurtres ou le regret des dieux? Est-ce le regret des dieux ou la peur de les suivre dans la tombe noire où l'oubli les relègue? Est-ce le danger d'hier ou celui de demain qui livre au lard du mal les douces nuits de l'île heureuse? Est-ce sur le sommet où réside le temple que Tefatu répondit aux insidieux conseils d'Inna? L'homme mourra. Deux jeunes femmes, deux Tahitiennes, aux beaux visages graves et naïfs, contemplent une autre femme, de stature doucement surhumaine, et portant à l'épaule un enfant, qui, d'un geste câlin, repose sa tête sur la tête de sa mère. Autour des deux têtes, la divine auréole. Derrière les spectatrices, aux mains jointes, se tient un ange parmi les fleurs, riche, calme, lui-même une royale fleur. La Orana Maria, disent-elles, je vous salue Marie. Et la nature est toute une prière de suavité, de luxuriance, qui reflète le sourire de la Vierge, un sourire où s'épanouissent ensemble le plaisir et la piété, le majestueux et le mutin de la déesse et de la femme, tels que ces âmes naturelles peuvent à travers celle-ci concevoir celle-là, telle qu'elle les adorait jadis, toutes deux dans la tendre Inna, la Orana Inna. Ainsi, par la souple arabesque qui va des premiers étonnements à la compréhension et qui comporte un état spirituel de ferveur docile et lucide, tu vois que cette œuvre est, en elle de deviner son objet, sur l'une un rite de joie rythmé, de tremblement, comme l'autre l'occasion d'être heureux sans espérance. Lecteur, c'est le point de vue, il fallait le dire de ce livre, l'objet de l'œuvre écrite est celui de l'œuvre peinte, en l'œuvre peinte perçue, puis littéralement. Selon toutefois, et comme le prescrivait le fait de la collaboration, des procédés déjà vérifiés par l'expérience de mains auteurs. Toutefois, je dois noter que la simple alternance de la prose et des vers a suffi pour rebuter plusieurs éditeurs. Ils affirment qu'il n'y a pas de secret pour ce genre d'écriture, et sans prétention à la nouveauté désignée. Je conserve les autographes où ces commerçants ont consigné leur unanime opinion, document dont je n'exagère pas la valeur, pour l'histoire littéraire de mon temps. Le héros humain des passions reste le peintre. Mais ne nous ment-il pas? Et pourquoi le croire? Qui nous donnera la certitude qu'elle soit vraiment l'île lointaine où nous ne sommes pas allés? Cette terre délicieuse et condamnée? Dans le même décor un autre, sans doute eût entendu d'autres paroles. Par quelle fausse indépendance d'esprit, au lieu d'écouter la seule voix qui s'élève, qu'éterais-tu en des résonances qui n'ont pas vibré les termes absents d'une comparaison vaine? Un autre eût éteint au premier plan l'incendie tropical, pour en réserver les flammes à l'illumination des fonds, laissant sur ce rideau clair cette humanité fauve s'agiter, fantomale, ou s'immobiliser dans la majesté de son ample statuaire morte, morte en effet, ou qui bientôt, vous le dites, le sera. Grande race épuisée par l'antiquité de son sang, il est mollesse d'un climat trop clément, ou atteinte peut-être aux sources de la vie, par le poison latin. Un autre, fidèle à la gloire du type occidental de la beauté, nous eût caché le charme dangereux de la Vénus dorée, si robuste ou si grossière, et qui viole nos habitudes éprises de faiblesse gracieuse, d'élégance maladive, de noblesses affiliées. Un autre, curieux seulement de vérité, et chacun selon sa loi propre, tous mentiraient également à ton désir, si tu prétends usurper leur rôle au service de cette vérité, qui n'est pas en soi, qui n'a lieu que dans nos âmes, et qui varie avec elle. Soit, et je sais que deux pères Dieu ne vivent jamais identiques la même réalité. Encore est-il des limites à l'interprétation de l'art. Ici je sens qu'elles sont franchies. Il y a plus d'invention que d'imitation, plus d'arbitraire despotisme que de fidélité. Et j'ai dès lors le droit de discuter le caprice qui groupe des fantasmagories, de songes, sous cette étiquette « Tahiti ». Non, l'interprétation artistique n'a d'autre limite que les lois de l'harmonie. Si les regards sur l'objet qui suscite son émotion, l'artiste produit une œuvre harmonique en chacune de ses diverses parties, comme en son ensemble. Cette œuvre est l'expression très fidèle et très vraie de cet objet par cet artiste, si vaste qu'entre le modèle et la copie, tu constates l'écart. L'écart peut être plus ou moins évident, mais il est toujours, car il n'y a pas art s'il n'y a pas transposition. Même celui qui croit copier, s'il est un artiste, transpose, puisque c'est coloré par sa vision personnelle que nous apparaissent les choses, par lui copier. Et tu avoues qu'un autre, son égal en mérite, et avec le même scrupule d'exactitude, nous les montrerait autrement colorés. Il arrive que l'interprétation la plus lointaine soit la plus vraie. Défie-toi de tes yeux passants et songe que l'artiste a fait un long effort pour tâcher de pénétrer au secret profond des choses. On n'a jamais rien pris à la nature avec les mains, que pour combler les cuisines et les herbiers, les ménageries et les musées d'histoire naturelle. Les choses ainsi dérobées à la nature, seules réalités objectives pourtant, sur lesquelles tous les témoins soient d'accord entre nos mains s'altèrent, se transforment vite et nous font peu d'honneur. Quel Diogène a dit des lions volés au désert que nous sommes leurs domestiques et non pas leurs propriétaires? Et la mort ne tarde pas à nous les reprendre. Elle ne les reprendra pas au peintre qui sut les peindre. C'est lui le seul dompteur. La nature ne nous livre que des symboles, le sens qu'elle prend en nous, la sensation, le sentiment, l'idée que nous avons d'elle. Nous ne la possédons que par ce détour, et c'est par des fictions qu'est faite notre réalité. Mais le substrat, le prétexte de ces fictions, est inépuisable, eucharistique. Nous pouvons communier tous à sa richesse infinie. Pour tous diversement, pour chacun pleinement, la nature est toujours significative. Or l'art qui est dans la nature participe à ce divin caractère. Comme elle, contemplée, il rayonne. Selon la variété des esprits, il se multiplie. Le musicien peut susciter le peintre, comme les murmures de la forêt ont suscité le musicien. L'art réalisé peut être comme moi la nature. Elle a seulement déjà pris dans une âme conscience de soi. De Tahiti, son peintre rapporte des feuilles de tamaris, où se seraient flétries les belles syllabes de ce mot. Une poignée de sable, une femme vivante, le soleil, le rêve qu'il en eut avec ses yeux, avec son esprit, avec son cœur. Tahiti recréé par son intelligence et sa sensibilité, tel qu'au cours de 2 années de travail heureux, il parvint à la comprendre, puis à la transcrire dans un art rigoureusement harmonique, riche de rappels, d'échos, d'analogies, de correspondances. Ce paysage te garantit l'authenticité de ce visage, et ce rocher te jure que voici bien la mer. L'invention dont tu te défies, c'est l'homme de l'œuvre, le souffle de sa vie, le mouvement qui fait l'unité supérieure de ses éléments, la chaleur fluide qui manquerait aux feuilles coupées. Cette invention qui procède à l'imitation de la nature, la grande inventrice, fut influée d'elle dans l'esprit de l'artiste. Voici de l'eau qui ne tarira pas. Voici des feuilles qui seront toujours vertes. Voici Tahiti, délicieuse et condamnée, comme elle est. Voici Tahiti vraie, c'est-à-dire fidèlement imaginée. Une querelle encore, je la devine, et pour en finir avec ces préliminaires qui touchent parfois au fond. Après le droit de transposition, il faudrait légitimer, plus délicat, le droit de parti pris. On ne contesterait que dans cette rencontre de deux, dirais-je, sociétés, la nôtre et celle de Tahiti. Le peintre donne à la sauvagerie tahitienne ses préférences et le suffrage solennellement de son admiration. De quoi permettez rire sans plus davantage de s'attarder à ce jeu d'un goût rare. Au prix seulement d'une intime et entière familiarité avec l'objet de son œuvre, l'artiste peut faire sa révélation. Point de telle union sans sympathie profonde. Et à cet objet, sans l'élan d'une sympathie première ou quelque pressentiment, l'artiste fut-il jamais venu ? Sympathie, admiration, même préférence, pour la beauté du décor, au moins enchanté, tu les comprends. Que sur cette scène merveilleuse, et parce que le visage des acteurs est moins pâle que le tien, banal ou vil, soit le drame joué, tu le décides, hésite. Souffre qu'un autre ait d'autres pensées, fondées en études et en méditation. Cet autre si, las de décadence occidentale, s'était pris des grandes floraisons végétales et humaines de là-bas. Il a donné son respect aux splendeurs d'autrefois, sa piété à l'agonie présente. Je ne le défends pas. Je sens par lui peut-être et par son œuvre, comme lui, y rêverais-je devant cette occasion d'être heureux, sans espérance, le thème d'enchaîner à l'opération d'un art, celle d'un autre art, et une seconde à la première épiphanie, si je n'étais moi aussi épris de cette sauvagerie fastueuse et de toute cette beauté vivante dans la symphonie peinte et vivante dans ma pensée. Mais est-il autrement que par les lignes colorées, communicable ce paradis ? Par-delà d'abord si facile des êtres, l'énigme réfugiée au fond des yeux. Et ce sourire, comme le dédain de mentir pour cacher un secret, qui même proféré ne saurait perdre son caractère fatal de secret. Ainsi la forêt tahitienne, elle aussi, néglige de se garder. Ni serpent, ni fauve et sa splendeur invite, mais c'est sa splendeur même, c'est sa miraculeuse splendeur qui la défend, polychrome et multiforme, éblouissement, qui voit le déclat, le mystère des fonds. Attends, intervient le peintre, je t'aiderai à deviner, je tâcherai que les tableaux te content leur histoire, la mienne, là-bas, sans que les récits à l'œuvre prétendent ajouter rien, que soulever les franges d'infini qui relient entre eux les épisodes du poème, afin de te conduire par le corridor de l'espace et du temps à travers les souvenirs où se décompose en circonstances le rêve total. Écoute donc, mais n'oublie pas que tout artiste sincère est l'élève de son modèle. Ainsi ai-je voulu faire moi-même. Je tenais le pinceau, les dieux maoris dirigeaient ma main. Et prends garde, la bord n'est pas si facile. Elle est épaisse, l'ombre qui tombe du grand arbre, et l'antre est formidable qu'il masque. Elle est bien subtile et très fugace, bien fière et très savante, lève dorée, et je n'ai pas inventé le mélange d'horreur et de joie qui fait le charme maori. Mais sais-tu, sans incertitude, sans regret de jadis et terreur de futur, sais-tu si la joie serait ? Dites, qu'avez-vous vu ?